Jésus Père, Mère et étranger, et pardonne-moi mon péché. Sur ma route vers cette cité, lorsque les saints entreront dans le saint, dans le saint, entreront. Lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être dénombreux. Lorsque les saints entreront, oui, quand les saints, quand les saints de Dieu entreront, ces jours-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être innombrable. Lorsque les saints entreront, je sais, je verrai mon sauveur. Si ma vie est libérée, le ciel ouvrira ses portes. Lorsque les saints entreront dans les saints, quand les saints les dieux entreront, ces jours-là, lorsque les saints entreront. Alléluia, Seigneur, je veux être innombrable. Lorsque les saints entreront, oui, quand les saints, quand les saints vont entrer pour ce jour-là, lorsque les lorsque les saints entreront, nous rassemblons dans haut des colonnes, et les portes bien fermées, je priais avec gloire et gloire. Lorsque les saints entreront, dans les saints, dans les saints, qui vont entrer pour ces jours-là, lorsque les saints entreront. Alléluia, lorsque les saints entreront, lorsque les saints entreront, oui, dans les saints, dans les saints, vivant en cœurant ces jours-là, lorsque les saints entreront. Ô Seigneur, je veux être innombrable, lorsque les saints entreront. J'attends que le chariot descend, et je m'enverrai à bord. Sur le nuage, j'irai au ciel. Lorsque les saints entreront, quand les saints, quand les saints, tu vas entrer pour ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur, je vais être dénombreux. Lorsque les saints entrent, ou quand les saints, quand les saints, ils vont entrer en ces jours-là. Lorsque les saints entrent, Seigneur, je vais être dénombreux. lorsque les saints entreront, quand les saints vivants entreront, ou lorsque les saints entreront, Seigneur, je suis créé non pas. Lorsque les saints entreront, il y aura un enlèvement. Et notre le moment pour que cela. Toutes ces difficultés, les douleurs qu'éprouvent les gens sur la terre, des temps difficiles, des guerres, des bruits de guerre, des injustices à outrance, des tremblements de terre, ce sont des douleurs de l'enfantement. Le système actuel doit céder place à une nouvelle système. Christ sera roi de toute la terre. Mais avant cela, il y aura un enlèvement de l'église. Je veux être de ces nombres. Et Dieu te fasse grâce, mais pas nous. Je veux être de ces nombres. Je ne veux pas que mes efforts soient vains. Je ne veux pas que mon travail soit vain. Je ne veux pas que mes sacrifices soient vains. Je le dis à ta place aussi. Nous ne voulons pas que nos sacrifices soient vains. Nous ne voulons pas que nos efforts soient vains. Tout ce que nous en dirons, nous allons faire aboutir à une récompense. Dieu est juste. Et il voit tout ce que nous subissons. C'est par quoi nous passons. Seigneur, je veux être de ces noms. Disons-le encore tous ensemble. Seigneur, je veux être de ces noms. Je ne veux pas manquer, je ne veux pas rater, je ne veux pas manquer, je ne veux pas rater. Je veux être de ces nombres, Seigneur. Être de ces nombres. Et Dieu le connaît. Dieu connaît son petit troupeau. Dieu connaît ce qui lui appartient. Père de grâce. Dieu de justice. Père de miséricorde, Père de gloire et de bonté, Père de lumière, louange à toi, honneur à ton Saint-Nom, d'éternité en éternité, tu es Dieu immuable, Dieu incomparable, c'est toi. Aux voies insondables. Tu fais tout à merveille. Conscient de ses responsabilités. Il sait ce qu'il nous doit. En tant que ses créatures. Nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus au monde par hasard. Nous sommes venus à son service. Dans ton plan, dans sa volonté. Dieu merveilleux. Venez maintenant à ce moment. Que ta présence console nos cœurs. Nous allons taper de bienvenue. Nous allons l'onction de vérité. La puissance d'en haut. Le Saint-Esprit de la Pentecôte. C'est la lumière de cette heure. C'est le charge de relation. Le Saint-Esprit de Dieu. Doit illuminer toute la terre. Éclaire-nous, Seigneur. Illumine chaque âme ici. Réponds-nous, Seigneur. Change-nous complètement. Nous voulons être pareils à Christ. Nous voulons être pareils à Christ. La vraie image de Christ. Pardonne nos péchés. Amen. Limite nos culpabilités. De l'Église. Pardonne-les, Seigneur. Amen. Limite nos péchés. Au nom de Jésus Christ. Nous te prions de nous exhorter. Nous donner la force nouvelle. Pour la marche et le voyage. Nous servons à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ici, dans sa sainte Bible. Matthieu, chapitre 18. Le verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ephésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Bino babali, bolinga kabasi na bino pila moko Christo alingaki lingomba, pe amipesa kiye moko pona bango. Ete abulisa bango, awa esiliye kupeto la bango na kumwangisa na mai esika moko na liloba. Na boye, lingomba bamona na liboso na ye, na nkembo, na kozanga libebi mpe liuta, mpe eloko nini mabe. Kasi ete baja la bule mpe mwa libebi moko te. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus Christ. Bienvenue à cette méditation biblique. Oui, malamu na ko manalo mukia Biblia. À l'occasion du service d'adoration de ce soir. Malibaku ya mosala kogumba melako kwa oyo. Le Seigneur a souhaité à nos âmes la bienvenue. Otombela ka bomo na nabino boye malamu. Christ n'aura qu'une seule église enlevée. Christ ko za bobele na kiza moko oyo koneto lama. Le Christ n'aura qu'une seule église enlevée au ciel. Hier, nous avons parlé de la culpabilité des assemblées locales. Aujourd'hui, nous disons, Christ n'aura qu'une seule église enlevée au ciel. Quelles soient les affiliations, les différents lieux de rassemblement, leurs défauts et tout, mais à la fin de la course, Christ n'aura qu'une seule église enlevée au ciel. Et c'est cela. Que Dieu soit miséricordieux envers chacun. Pour dire cette image-là, la vision céleste de Christ pour son Église. Vous savez que Christ, le Seigneur, n'a qu'une seule Église. Nous nous retrouvons avec plusieurs groupuscules. Vous allez font des fois des sales guerres et des coups bas. Nous de la méchanceté des cœurs humains et des cœurs irrégénérés. Mais le Seigneur n'a qu'une seule Église. Ici, dans Ephésiens 4, au verset 4, il est écrit qu'il y a un seul corps, un seul esprit, comme si vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Un seul corps. C'est quel corps parle ce verset 4 du chapitre 4? Quand nous remontons au chapitre 1er, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, le Christ dont nous parlons, dans Ephésiens chapitre 1, le verset 22 et 23, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Christ chef suprême de l'église. Non pas des églises, mais de l'église. Une seule. Qui est son corps. Amen. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Moto likolo na makambo yonso pona lingomba oye jalinde tuna ye yango litondi na ye akotondisaka yonso kati na bisika yonso. L'église unique du Seigneur, c'est le corps de Christ. Ecclesia bobele moko ya nkolo jalinde tuna Christ. Et il est parlé encore de ce corps là dans 1 Corinthiens chapitre 12e. Amina tina ya nzoto wana na Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Sois juif, sois grec, sois esclave, sois libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Oui, c'est cela. La même pour le corps humain, bien qu'il possède également plusieurs membres, chacun de nous possède un seul corps. C'est vrai. Et il est dit au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. C'est vrai. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Quelle que soit la pluralité de membres de ce corps. Quelle que soit la diversité d'opérations, de fonctions, d'exercices, de tâches qu'accomplissent les membres du corps. Il y a cependant un seul corps. Et chaque main a un seul corps. C'est dans ce corps-là qu'il est dit au verset 28 ici, que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ainsi de suite. C'est dans l'Église, une seule Église, que Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Dieu n'a qu'une seule église. C'est l'église du Seigneur. Êtes-vous là? Quand nous retournons dans Ephésiens au chapitre 5e, le verset 23, il est écrit ceci, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Ephésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. L'église qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Il est le sauveur. Il est le sauveur. De ce corps-là, qui est son église. Il en est le sauveur. C'est lui qui était venu pour la sauver. Et sa mission n'échouera aucunement. D'aucune façon, à aucun moment, d'aucune manière. La mission pour laquelle le Christ a quitté le ciel, venu sur la terre, pour sauver son église, ne peut pas échouer. Par conséquent, il aura une église dans l'enlèvement. Quelle que soit la culpabilité des assemblées locales, quelle que soit les culpabilités, les défauts des églises locales, il en aura une. qui sera son église dans l'enlèvement. Et cette église sera formée de plusieurs membres communautaires. Elle ne sera pas composée d'un seul membre. Car ce serait une violation de la loi naturelle de Dieu. Et a façonné nos corps de chair pour être chacun de plusieurs membres. Le modèle qu'il a fait, le modèle Dieu le reproduit dans le spirituel, à propos du corps de son église. L'église n'est pas un seul membre. Ni au commencement, ni dans l'enlèvement à la fin. L'église ne sera jamais un seul membre. Ni à l'époque de William Branham, de son vivant, ni après sa mort. L'église du Seigneur ne peut jamais être qu'un seul membre. Car c'est son église, c'est son nom. Tout le temps. Et partout où l'on fait mention d'elle, où il est parlé d'elle, elle ne peut pas être composée de seulement. Elle sera toujours plusieurs membres. Dieu le sait comme ça. Et ça, c'est différent des assemblées locales. Hein. Christ, dans son grand amour, dans sa forte miséricorde, au lieu de regarder aux défauts des assemblées locales, pour divorcer d'avec elle, il est parfois tolérant. Mais il nous censure. Il reprend tout ce qu'il considère comme des enfants. Il les reprendra. Mais il viendra quand même communier avec eux. Malgré leur faiblesse, malgré leurs imperfections, malgré leur chute et de rechute, malgré leur culpabilité, Dieu arrive quand même à communier avec eux parce qu'il est le Père de miséricorde. Non pas que nous soyons déjà tous suffisants, mais nous sommes pleins de cette suffisance. Mais sa miséricorde dure toujours. Il a dit que l'Éternel désire te faire grâce, et il se lèvera pour te faire miséricorde. Dieu, il est Dieu de promesses. Il ne nous traite pas toujours comme nous méritons, mais sa miséricorde triomphe du jugement. Il regarde au-delà de nos défauts, et nous apporte les secours dans nos cœurs. Que son nom soit béni ou loué jamais. Amen. Il s'élèvera pour te faire miséricorde. Il le fait jusqu'à présent. Car je reconnais qu'il est le Père de miséricorde. Dans tes prières, reconnais qu'il est le Père de miséricorde. Son Père, Dieu de miséricorde. Regardez dans le psaume 103, lorsqu'il a fait éloge indirect de sa miséricorde, verset 15 et 14, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Car il sait de quoi nous sommes formés. La fragilité de notre constitution physique. C'est lui qui nous a façonnés. Et il se souvient que nous sommes poussière. Et en tant que poussière, nous sommes éparpillables. Nous sommes vulnérables. Notre unité peut ne pas être très solide. Parce qu'il suffit que les doigts, les orteils puissent toucher un tas de poussière, la poussière va s'éparpiller. La poussière n'a pas la rigidité d'un béton. La poussière n'a pas la rigidité d'un roc. La poussière est émulsifiable. Elle est éparpillable. Elle est décomposable. Elle peut ne pas tenir longtemps. Et Dieu miséricordieux, il se souvient que nous sommes poussière. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel Dieu a compassion de nous. Il est le Père des miséricordes. Ceci doit être tenu pour vrai. C'est la parole qu'il est dit ici dans Jacques chapitre 1. Je ne vante pas un titre dont je serai en train de flatter Dieu. Mais ce titre, c'est ce qu'il est. C'est vraiment ce qu'il est. Ici il est dit qu'il est Père de lumière. C'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens qu'il est le Père de miséricorde. Voilà. Exactement. Ici dans Jacques 1 au verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend de en haut. Il est dit c'est Père de lumière. Sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voyez ça? Il est le Père de lumière. Mais ici, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois bien? Le Père de miséricorde est le Dieu de toute consolation. Il est le Père de miséricorde. Lui-même engendre et produit diverses miséricordes. Il emploie et consomme diverses miséricordes. Je l'aime, je sais que c'est vrai, il est bon. Ici dans les psaumes 136, la parole infaillible dit encore ceci. Louez l'Éternel car il est bon. Qu'est-ce qui suit? Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Verset 2. Louez le Dieu des cieux. Qu'est-ce qui suit? Car sa miséricorde durera toujours. Oh là là. Verset 3. Louez le Seigneur des Seigneurs. Qu'est-ce qui suit? Ça, c'est un refrain constant dans tous ces psaumes 130. Chaque verset reprend ce refrain. Un frère a essayé de chanter ça autrefois. Louez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur, Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Jusqu'à la fin, sa miséricorde dure à toujours. Et il est écrit dans la Bible que sa colère dure un instant. Amen. Mais sa miséricorde dure toute une vie. Il est bon, il est miséricordieux. Dieu a dit à Moïse, c'est bon, il est miséricordieux. Il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Dieu est souverain dans l'octroi de cela. La paix, il est le Dieu riche à miséricorde. Nous étions perdus. Nous étions perdus. dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc malgré nos failles, humainement parlant, liées à la fragilité poussiéreuse de nos corps physiques, de nos corps corruptibles et mortels, de corps du péché, mais Dieu est riche en miséricorde. Il aime communier avec ses fidèles, il aime communier avec ses croyants, il écoute leurs prières. Oui, c'est écrit. C'est écrit dans la Bible. C'est la Bible. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur prière. C'est la parole écrite. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles, les oreilles de l'Éternel, les oreilles du Seigneur, sont attentives à leur prière. Quand tu pries, Dieu fait attention. Quand tu commences à prier, il prête attention. Il aime écouter qu'est-ce que tu as à lui dire. Alors, frère et soeur, priez sans cesse. N'arrêtez pas de prier, car vous avez l'assurance de son attention. Il est celui qui te voit. Il te donne le courage de prier. Il te donne la volonté de prier. Il te donne le vouloir et le faire. Il est bien en vérité. Sa miséricorde est d'un grand secours. Sa miséricorde est secours maintenant. Depuis que même les souffles de vie que tu as, c'est pas miséricorde. Si devait compter que tes péchés, tu serais depuis longtemps dans les souffles de la vie. Tu ne mérites pas les souffles de vie que tu as. Quand des gens plus bons que toi sont déjà malades, tu n'es pas le meilleur d'entre eux. Mais parce qu'il est riche en miséricorde, et que sa miséricorde dure toutes les vies, il te la multiplie chaque matin. Il te la renouvelle au lever des soirs. Il t'apporte un jour nouveau. Alors que tu tournes comme un cadavre. Amen. Oh, je l'aime. Je l'aime, Jésus, il est bon. Hein? Il est Amen. Merveilleux. Je l'aime. Il est Amen. Très bon. Amen. Il est merveilleux. Ah, ne vous tenez pas les cas. Quel que soit les désagréments des assemblées locales. Nous avons entendu Frère Branham dire, il ne doit pas y avoir de Branham. Jusqu'à présent, il y a des Branham. En contradiction avec le message. Il y en a qui continuent à engrayer d'autres Branham. Il ne doit pas y en avoir. Ne dites pas, oh non, vous êtes contre. Je me suis contre. Moi, je soutiens la vérité. Je ne voulais pas que je dise ça, allez effacer ça dans les masques. Faites en sorte que Frère Branham ne l'ait jamais dit. Il ne doit pas y avoir de Branham. Amen. Nous avons besoin de l'église du Seigneur. Vous allez vous faire une église dans la colonne d'Akisa. Amen. La maison de prière. Tondako na mabondo ni. Tondako na mabondo. C'est ce qui nous a prévenus. Je suis responsable d'un message. Je ne cherche pas à blesser les sentiments de quelqu'un. Je peux avoir blessé quelqu'un. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Ne me prenez pas comme une pierre d'achoppement. Je ne suis pas une pierre d'achoppement, moi. Je suis une pierre d'édification. On est là pour vous édifier. Mais nous ne cherchons pas à blesser les sentiments de quelqu'un. Nous avons la responsabilité du message. Et son message s'est sorti du milieu d'elle. Sortez de cette souillure. Pour aller où? Pour vous amener au Branham Tabernacle. Le Branham a dit, il est tout aussi coupable que toi. Il est autant coupable que tous les autres Tabernacles. Ça, c'est la traduction de... Shekinah. Il est autant aussi coupable que tous les autres tabernacles. Mais vous savez comment la voix de Dieu a traduit la voix de Dieu là-bas. Il dit, Joseph Branham. Le paragraphe 71 là, il y a une phrase là. Oui, a tout sambo, le lieu d'adoration, le 20 février, Le Branham Tabernacle, il est aussi fautif que n'importe lequel de tous les autres. Le Branham Tabernacle est aussi fautif que n'importe lequel des autres. Donc, mais les autres peuvent avoir aussi leur tabernacle. Tabernacles là sont fautifs. Celui-ci aussi est fautif. Vous connaissez parmi ses défauts? Les retards. Je vais vous flatter. Ensuite, quand les chants commencent, tu dois commencer. Quand on entonne, tu commences à taper les mains ensemble. Et l'offrande, tu donnes l'offrande. Prions. On prie pour les légumes. Tu es là, tu les fais aussi. La prédication commence. Tu es là. Culte complet. Nous avons pris l'habitude de donner à Dieu des cultes incomplets. La plupart ici. Vous êtes fautifs. Autant fautif que le Branham Tabernacle. Mais Dieu dans sa miséricorde. Il a dit quand même ceci. Matthieu 18, verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en nom, je suis au milieu de eux. Quelle grâce. Dire ça à des gens injustes. Défaillants. Coupable de beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit quand même ça. Et comme il l'a dit, il est lié à ça. Et quand nous le faisons sincèrement, que nous assemblons en son nom, il est là. Et sa parole, ce sont des voix. Alors, quand Frère Branham évangélisait, il a parlé à des gens dans la conférence avec Dieu. Je prends ici la prédication de la conférence avec Dieu. Le 20 décembre 1959. La conférence avec Dieu. Le paragraphe 59. Il dit à ceux-là qui venaient de croire l'évangile, le message. Suivez cette instruction. Je prêchais même au Branham Tabernacle. Quand il a fait l'appel à l'hôtel, il dit à ces gens. Suivez cette instruction. Si ce n'est pas dans ce tabernacle ici, c'est au tabernacle que vous fréquentez, à l'église que vous fréquentez, où que ce soit, ne vous tenez pas à l'écart. Allez directement vers un corps de croyance spirituelle. Ne vous tenez pas à l'écart. Allez directement vers un corps de croyance spirituelle. Pas vers un corps de croyance charnelle. Mais de croyance spirituelle. Allez communier là-bas. Heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur. Celui qui ne s'assoit pas en compagnie des infidèles. Il y a mal la parole de Dieu. Sortez des milliers d'eux. Mais quand vous avez des courants spirituels, mettez-vous là-bas. Ne vous tenez pas à l'écart. Pour ne pas fréquenter l'église. Mais allez directement vers un corps de croyance spirituelle. Allez chercher les assemblées de Dieu. Il est en train de parler au sein de Branham. Donc pour dire qu'il ne liait pas les gens seulement à cette église-là. Les assemblées locales ont leurs défauts. Nous devons appartenir au corps de Christ. À son église unique qui est le corps de Christ. Et on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu ne l'as pas, tu n'appartiens pas au corps de Christ. Allez chez les assemblées de Dieu. À l'église de Dieu. Chez les pentecôtistes. Unité, unité, quoi que ce soit, allez au là-bas, ne vous tenez pas seulement à l'écart. Peu m'importe où vous allez. Mais allez rapidement vers une église. Et communiez là-bas. Communiez là-bas. Ne vous tenez pas à l'écart. Si les enseigne peut-être des petites choses que vous ne... C'est ça maintenant le problème. Les églises locales. Si ils enseignent des petites choses que vous ne... Et vous dites, eh bien, que Branham ne l'a pas enseigné comme cela. Eh bien, ça ne change rien de toute façon. Si vous avez le Saint-Esprit, avancez. Mais ça, c'est pas exactement comme ça que le vrai Branham a enseigné ça. Mais eux ici, ils enseignent. Non, pour commencer, si vous avez déjà le Saint-Esprit, mais si vous ne l'avez pas, hein, c'est pas ce qu'il dit ici. Si vous ne l'avez pas, attention. Vous risquez de ne pas l'avoir à force de fréquenter des gens comme ça. Qui entendent autre chose que la Libanda na solo, oui, mais si au moins vous avez déjà le Saint-Esprit, ça ne change pas. Dieu ne va pas vous retirer le Saint-Esprit. Si vous vous parce que vous fréquentez cette église qui croit un peu différemment, oui, okay, je ne crois pas du tout. Le sceau de Dieu vous est donné jusqu'à l'enlèvement. Si vous l'avez déjà, c'est une grâce éternelle que Dieu vous a. Si vous l'avez, même si vous constatez cette différence, avancez. Après tout, le mal qu'ils enseignent ne va pas vous noyer. Car le Saint-Esprit qui est en vous s'opposera. Le Saint-Esprit qui essaiera de venir, ça va refouler ça. Il ne se nourrit que de la pure vérité. Il est la sécurité pour votre âme. De vous-même par votre connaissance, vous pouvez être basculé et emporté. Mais quand lui est véritablement là, il est une barrière infranchissable. Même si le mal peut essayer de se faire à quelques moments, et créer une tendance telle que vous commencez à être un peu séduit, il va refouler ça. Qui t'aime la tangue moko. Ça ne va pas démarrer. La moko où il est la tangue. Car le Saint-Esprit ne conserve que la vérité. Oui, c'est moi, mon santo, la, la pure vérité divine. C'est solo à fait, à bon. Mais si vous ne l'avez pas, vous êtes exposé à croire des fois les mensonges. Oui, les prédicateurs, beaucoup de prédicateurs sont des menteurs. Des mensonges. Des menteurs. Et c'est triste de le dire. Mais quand le Saint-Esprit est là, il est véritablement dans votre cœur, il est l'Esprit de vérité. Il dit, ça ne change rien de toute façon. Si vous avez le Saint-Esprit, avancez. Soignez-vous à eux. Continuez votre chemin. De toute façon, nous allons tous aboutir à une seule église. Voyez, pendant que les gens continuent à créer les églises pour des intérêts personnels, ils veulent acheter des billets autant ici, en avoir 5 ou 8, comme des magablots. Lokola bisiga bazote kabilo ko. Samba ndakusala ka ronde ake ndikuzoka badima ake ndikuzoka baofrand. Muyibi. Malgré tout ça. Atabongo. Nous tirons à la fin à une seule église. Kuka tokozala obeli na keja moko. Et vous là? Vous allez wana. Premier Dieu. Obanga nzambe. Dieu n'a qu'une seule église. Zamba za obeli na keja moko. Et les gens doivent naître là-bas. Ba tokozala babota makuna. Là-bas on y adhère pas. Kuna bakota kati. On doit naître là-bas. Et c'est lui qui bota manakati. C'est Dieu que ça vient. Vous allez uta na nzambe zali kuya. Il a tout verrouillé. Wow. De toute façon, nous allons tous aboutir à une seule église. Quand le temple de Salomon était taillé à travers le monde, il a été taillé à travers le monde. Différentes pierres étranges et tout le reste. Mais quand on a commencé à le réunir, on n'entendait pas les bourdonnements de scie, ni des martèlements des marteaux. Pendant les 40 ans où le temple a pu s'ériger, on n'a jamais entendu un seul coup de marteau, un seul bourdonnement de scie. Elles étaient toutes taillées parfaitement. Toutes ces grandes églises qui ont le Saint-Esprit vont s'unir ces jours-là à leur place appropriée dans le corps. Dans le corps de Christ. Pour l'enlèvement. Vous entendez la promesse? La prédiction? Elle se fera. Ephésiens 5 n'a pas dit que Dieu aura fait plusieurs églises. Au moment de l'enlèvement, alors toutes ces grandes églises qui ont le Saint-Esprit, et je voudrais que notre église locale ici soit comptée parmi les églises qui ont le Saint-Esprit. Pas toi? Nous devons figurer. Et quand cette réunification se fera, nous ne serons même pas là. Nous serons encore dans les parpillements. Et il nous faut être comptés parmi ces églises ayant le Saint-Esprit. Et quand la réunification finale se fera, la vôtre aussi comptera dedans. Pour occuper sa place appropriée dans le corps de Christ pour l'enlèvement. Allez donc simplement là où les gens croyaient l'évangile. N'allez pas dans des endroits où on prêche des histoires, Allez simplement là où les gens croyaient l'évangile. Et il n'y a qu'un seul évangile de Jésus-Christ. C'est bien l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est seul. Jésus-Christ. Allez simplement là où les gens croient l'évangile de Jésus-Christ. C'est le conseil qui nous est donné. Et quand le Seigneur réussira cette réunification, écoutez encore ce qu'il fera. Nous allons terminer par cette pensée. C'est une petite exhortation. Dieu n'aura qu'une seule église enlevée. Dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Le 18 juillet 1957. 18 juillet 1957. Le paragraphe 139 à 141, il a dit dans Matthieu 16:18, sur ce roc que je bâtirai mon église, c'est ça non? Nous en avons parlé la semaine passée, sur ce roc que je bâtirai mon église. Ils sont non pas sur un quelconque roc de fanatisme, ni sur un tas d'émotions. ni sur un tas de théologie d'église, ni sur une quelconque dénomination. Christ a indiqué précisément là où son église sera bâtie. Sur le roc. Non pas sur le sable, mais sur le roc. Et il dit, mais sur ce solide roc, la parole de Christ, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre. Elle sera là, bâtie sur le roc, sur la parole révélée de Christ, sur la parole ouverte de Christ, l'évangile qui a l'onction fraîche, qui a l'approbation de Dieu lui-même, qui a l'onction de la colonne de feu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Paul, le Dieu des chrétiens primitifs, l'évangile qui a l'approbation de la même colonne de feu sur la parole révélée de Christ. C'est sur cela que l'église véritable de Dieu est. Non pas sur les assurances des noms. Croyez-moi, bon Dieu de la Gaïe, où l'église est en Matonga. C'est pas les assurances de l'église. C'est pas sur un tas d'émotions non plus. C'est Christ a bâti son église à lui. Mais c'est sur le roc. Sur la parole de Christ. La parole révélée de Christ. La parole ouverte de Christ. Qui a l'onction du temps, l'onction du jour. L'onction de Dieu pour l'âge. Son message ouvert. C'est sur ça que l'église est bâtie. Et elle sera là. Et elle sera un mémorial de sa grâce devant les hommes. Cette église est du Seigneur. Elle sera un mémorial de sa grâce devant les hommes. Un souvenir inoubliable de la grâce rédemptrice de Dieu. La gloire salutaire de Dieu. Et les anges laveront. La réalité vers laquelle nous allons dans le monde. Elle sera un mémorial de sa grâce devant les anges. Et quand les anges lui ont demandé un jour, pourquoi descends-tu sur la terre? Vous voyez ça? Comme quand les anges lui avaient posé la question. Mais il est venu pour nous sauver. N'est-ce pas qu'il est le sauveur de l'église? Il est son corps? Il leur a parlé du salut, mais les anges ne comprenaient pas. Tellement notre salut lui était cher. Notre salut lui était important. Il a sacrifié sa propre précieuse vie. Il a sacrifié sa prestigieuse vie céleste. Où il était adoré, vénéré. Pour se faire humilier ici-bas. On a gagné ton âme, gagné mon âme. N'est-il pas miséricordieux? Vous ne sentez pas que c'est si sérieux réellement? Il s'est sacrifié lui-même pour son âme. Sa prestigieuse vie. Il reviendra et présentera cette église sans défaut. Sans tâche. Sans ride. Voilà les matériaux. Voilà la chose. C'est sa réputation. Il doit le faire parce que c'est sa réputation. Il a dit aux anges qu'il est venu pour nous sauver. Mais quand le jour y arrivera, il faut que ce soit sa vie. Qu'il le produise devant. Mais pas les soirs du soleil. C'est pour qui j'étais descendu ici. C'est pour qui j'étais allé souffrir sur terre. Et ton nom sera parmi eux. Dans sa grâce. Et sa réputation. Il doit faire cela. Comme ce constructeur de pont devait construire ce pont, il devait le faire pour perdre sa réputation. Christ aura une église. Et il doit l'avoir. Parce qu'il vient sur la terre. Et il est très cher. Et habite parmi nous. Et il est très péché. Afin que nous devenions justice. Il faut maintenant que cela se concrétise. Que ça devienne tangible par femme. Et toi un vieux pécheur. Un grand salutaire dans la parole. Un ramassé dans la boue du péché. Elle est lavée par l'eau de la parole, la sanctifiée par le sang de Calvaire, et pour te rendre plus blanc que la neige, et te présenter parfait devant Dieu. Sans tâche ni défaut. Mais glorieux, saint et irréprochable. Le Seigneur le réalisera. Son travail est en cours. Nous sommes les cibles de sa main. C'est pour que sa main travaille. Ta main miséricordieuse travaille. Produit ses rachetés glorieux. Par sa grâce nous y arrivons. Christ, il a travaillé, il est venu sur la terre pour ça. Il est venu afin que nous, par sa grâce, puissions devenir lui. Il est venu prendre notre place comme pécheur pour nous permettre d'occuper sa place comme le fils et fille de Dieu dans la présence de sa majesté. Oh, quelle grâce de la part de Dieu! Comment pourrions-nous dire que ces paroles ne sont pas vraies? Les cieux et la terre passeront. Mais ces paroles ne passeront jamais. Accrochons-nous à ces paroles. Il a la force pour tenir le monde. Il a la force pour vaincre chaque épreuve. Pour vaincre chaque difficulté. Pour vaincre chaque problème qui se produira. Pour vaincre chaque maladie, la force est dans la parole. Que Dieu bénisse ta foi. Prenons des mots pour la prière. C'est vrai. Quel sauveur merveilleux je possède. Et il s'est sacrifié pour moi. Le vieux cantique 189. Merveilleux je possède. Vous aimez cette mélodie? Pour la fredonner du cœur. Savoir que c'est toi qui chantes, toi le bénéficiaire. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché. Attaché à la croix pour moi, Jésus était attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, oh, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, au Dieu attaché à la croix. après mon péché et ma dette. L'Église sauveur attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur des dieux. Humble est la pensée modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché, attaché à la grappe. Agneau de Dieu, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et ma dette. Agneau, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Agneau de Dieu attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Jésus attaché à la croix pour moi. Malcoté. Maltraité par mon indigne vie, brisé par mes iniquités. Il précise, oui, mais ma maladie, et mourut pour me libérer. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Agneau attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour mes frères. Le sauveur qui reste au ciel. Reviens, il revient en profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Alléluia. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. À nous, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Jésus-Christ attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Agneau attaché à la croix pour moi. Un mot de prière chacun. Parlons-lui, ce sauveur béni, adorable, le Père de miséricorde, Dieu riche en bonté. Communions avec lui. Dès que tu commences à prier, il prête attention. Ne prie pas ceci. Dès que tu commences à lui parler, il t'accorde son attention. Il est capable d'écouter des milliards de gens au même moment. Amen. Amen. Dieu infiniment grand. Il est capable d'entendre des millions de prières au même moment. Attentivement au même moment. Parlons-lui chaque matin. Sans notre Père Céleste. Nous te remercions maintenant. Nous t'adorons. Nous t'exprimons notre gratitude pour ce souffle de vie que tu as donné à chacun d'entre nous miséricordes, non sur base de mérite, mais parce que tu es bon envers nous, que tu nous gardes encore sur la terre des vivants, et pour te servir, pour communier avec toi, non pas pour nous tenir à l'écart, pour nous isoler et faire n'importe quoi, mais c'est pour communier avec toi, et avec les croyants spirituels, les croyants qui croient, il est pas. C'est pour cette raison que nous sommes rassemblés. Il y a confiance qu'il y a des croyants spirituels. Des croyants qui croient l'évangile. La parole ouverte de Christ. Il y a l'onction du jour. Il y a la vie de Dieu. Il y a la piété du Seigneur. Il va agir dans nos cœurs. Confirme les promesses. Honore la foi de Christ. Ô Père, écrase les iniquités. Écrase les sourires. Grâce à tout péché parmi nous, nous voulons ta sainteté, nous voulons la piété de Dieu, nous voulons ta victoire à tous les gars, dans toutes les batailles, dans toutes les épreuves, dans toutes les maladies, dans toutes les difficultés, interviens puissamment, toi qui as le bras infini, le bras tout puissant de Dieu, qui te rassure devant aucun des pays, interviens maintenant, et donne la force à chacun, chaque croyant. Que le feu divin s'allume dans nos cœurs. L'onction du Seigneur nous accompagne par sa part. Partout nous serons, Seigneur. Que nous soyons conduits par toi. Remplis-nous du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de vérité. Pour nous conduire dans le chemin de victoire. Contre tous les ennemis. Contre tous les démons. Tous les esprits impurs. Tous les poussons dehors. Hors de l'église. Nous ne devons pas les héberger ici. Nous ne devons pas courir. Que Dieu vous bénisse richement.